Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif pour cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde et du choix musical avec la collaboration de Denis Marchand, Noël Douville, Louis Douville, Robert Blanchette et Yves Farley. Aujourd'hui à l'émission d'Italie, nous aurons Lee Ormé, Comedy of Errors, nouveauté d'Angleterre, Perfect Beings, une nouveauté des États-Unis. Nous aurons Sea Vine, une nouveauté aussi de Pologne. Ça sera suivi de Gösta Berlings Saga de Suède, Zip Tang des États-Unis, Diagonal d'Angleterre, Polytoxicomane Philharmonie d'Allemagne. Et nous continuerons avec le palmarès Rock de Neurones avec la position 43 cette semaine, Morse Code et la Marche des Hommes. Et en position 42, King Crimson avec un extrait de l'album Islands. On débute donc l'émission avec une formation italienne du nom de Lee Ormé. Lee Ormé qui ont 19 albums studio à leur actif et qui sont actifs notamment depuis 1970. Ce qu'on va entendre, c'est le deuxième album, deux extraits. L'album s'intitule Collage et la première pièce qu'on va entendre, c'est Sermento Amato, suivi de Squardo Verso il Cello. Alors voici Lee Ormé. Cemento Armato! La grande città, senti la vita che se ne va. Vicino casa, non si respira, è sempre buio, ci si dispera. Thank you. raggiungere quello che non hai. Ecco un altro giorno come ieri, aspettare il mattino per ricominciare. La colpa d'essere vivo e non poter cambiare. Come un ramo secco abbandonato che cerca inutilmente di fiorire. C'était Léa Ormé avec la pièce Sguardo verso il cielo qui est parue en 1971 et c'est extrait de l'album Collage. Et on a entendu auparavant la pièce Cemento armato, extrait du même album. On va faire maintenant un saut de 44 ans en vous introduisant la nouveauté de Comedy of Errors, cette formation britannique qui vient de faire paraître son troisième album qui s'intitule Spirit. Et je vous propose les quatre premières pièces de la face A. My Grief Lies All Within, Infinite Wisdom, Spirit Shines et Can This Be Happening? Alors voici Comedy of Errors. We'll be right back. Who dies? No rhyme or reason. In desperation. sunset. But all is silence. You leave us to the tears we shed. C'était les quatre premiers morceaux de la face A du nouvel album de la formation britannique Comedy of Errors. L'album s'intitule Spirit et il vient tout juste de paraître et probablement dans les prochaines... Nous débutons le deuxième bloc de l'émission avec une nouveauté de la formation américaine Perfect Beings. L'album s'intitule Perfect Beings 2 et je vous propose la pièce de Love Inside. Alors, Perfect Beings... Constant coming up to you, constantly, yet constantly, always trying to get that hand out, always trying to capitalize on the love inside, on the love inside. Constantly, yet constantly, you always seek a better measure, always trying to realize all the love inside. the birth of things. You were so giving with what you're offering. Do you know what that means? It's the birth of things. Inside, there's a can't stand coming up to you. There's a constant coming up to you. There's a constant coming up to you. There's a constant coming up to you. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la formation américaine Perfect Beings avec la pièce The Love Inside qui est extraite du plus récent album Perfect Beings 2. On enchaîne avec une nouveauté de la formation polonaise Sea Vine. C'est un groupe qui est actif depuis 3 ans et ils viennent de faire paraître leur 2e album Crawl I Crawloa et on va entendre la pièce titre. Alors voici Sea Vine de Pologne. Thank you. C'était Sea Vine de Pologne avec la pièce titre de l'album Crawl I Crawloa. Et ça vient tout juste de paraître. On termine le deuxième bloc de l'émission avec la formation suédoise Gösta Berlings Saga avec un extrait de leur troisième et dernier album paru en 2011. Glueworks, la pièce s'intitule Islands. Alors voici Gösta Berlings Saga. Thank you. C'était de Suède, Gösta Berlings Saga avec la pièce Island, et c'est tiré de l'album Glueworks qui est paru en 2011. Après la pause, nom de Ziptang qu'on a fait jouer quelques occasions depuis le début de la saison. Ils ont 5 albums à leur actif entre 2007 et 2015. Et ce qu'on va entendre, c'est tiré du deuxième album paru en 2008. L'album s'intitule Pink et la pièce qu'on va entendre, c'est Leaving Nothing. Alors voici Ziptang. Alors, c'était Zip Tang des États-Unis avec la pièce Leaving Nothing. C'est extrait de Pink qui est paru en 2008. On va du côté maintenant de l'Angleterre avec la formation Diagonal, dont on connaît deux albums, le premier en 2008 et le deuxième en 2012. Et c'est extrait de ce deuxième album-là qui s'appelle The Second Mechanism qu'on va entendre la pièce Mitochondria. Alors voici Diagonal. Thank you. C'était la formation britannique Diagonal avec la pièce Mitochondria et c'est extrait de leur plus récent album paru en 2012, The Second Mechanism. Maintenant, on va aller du côté de l'Allemagne avec une formation assez complexe du nom de Polytoxicoman Philharmonie. On leur connaît trois albums, un en 2003, 2007 et l'autre en 2009. Et la pièce qu'on va entendre, c'est extrait de Drosophila Road, qui est paru en 2007. Et la pièce s'intitule Sotto Voce. Alors voici Polytoxicoman Philharmonie. We'll be right back. Vous venez d'écouter la formation allemande Polytoxicoman Philharmonie avec la pièce Sotto Voce et ses extraits de l'album Drosophila Road, paru en 2006 de l'émission qui est consacrée habituellement au palmarès rock de neurones. Et ce soir, en fait, aujourd'hui, nous allons entendre la position 43 du palmarès avec la formation québécoise Morse Code. Et on va entendre la pièce titre de l'album La marche des hommes qui est paru en 1975. Voici Morse Code. Événement Alors, c'était La Marche des Hommes de Morse Code, palmarès 43 de Rock de Neurones. C'est paru en 1975. Et en 1971, on va entendre, tiré de l'album paru en 1971 de King Crimson en position 42 du palmarès Rock de Neurones, extrait de l'album Islands, le quatrième du groupe, on va entendre Sailor's Tale. D'ailleurs, le groupe sera en spectacle à Québec et Montréal et je serai présent le soir du 14 novembre et je vous en reparlerai. D'ailleurs, si on suit un petit peu la progression de la tournée actuelle du groupe, on peut s'attendre lors de cette soirée à entendre les extraits des quatre premiers albums du groupe. Alors, c'est un retour en arrière qui va être fortement apprécié. Alors voici donc King Crimson avec Sailor's Tale, extrait de Island. Thank you. Alors, c'était King Crimson en position 42 du palmarès Rock de Neuron. En fait, c'est l'album qui est en position 42 parce que plus on va remonter vers la tête du palmarès, on aura d'autres albums de King Crimson. On peut deviner lesquels. Alors, ceci met fin à l'émission et j'espère que vous